Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Il n'y a de grand amour qu'à l'ombre d'un grand rêve. Ce vers d'Edmond Rostand résume l'essence de Cyrano de Bergerac. Le 28 décembre 1897, Rostand, jeune auteur de 29 ans, quasi inconnu, fait jouer un long drame romantique de 4 heures tout en alexandrin. Dans une scène française tiraillée entre le cynisme cru des pièces de boulevard et le réalisme pessimiste du théâtre naturaliste, entre Ibsen et Strindberg, la rumeur se répand que Cyrano sera un four. Son seul atout apparent est dans le rôle principal, tenu par un comédien réputé, Coquelin. Pour le reste, les costumes sont d'occasion, le décor passe partout en toile peinte, la direction du théâtre trouve qu'il y a trop de monde sur scène et donc trop à payer. Rostand met lui-même en scène sa pièce et doit se battre pour tout. Il fait répéter durant 3 mois, dirige de manière très précise son comédien principal sans se laisser impressionner par sa renommée et finit par gagner son admiration et son amitié. Il ne laisse rien de côté. Le fameux nez de Cyrano fera l'objet, dit-on, de 50 essais de modèles différents. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais atteint le nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Succès énorme et immédiat, la pièce fait la fortune de son jeune auteur. Elle pratique le mélange des genres, dramatique, comique, sentimental, voire mélodramatique, et transporte le spectateur de la salle de théâtre de l'hôtel de Bourgogne au siège d'Arras, durant un assaut, et du balcon de Roxane, son héroïne, à la cour d'un couvent. Il passe ainsi de scènes de foule exaltantes à des moments d'intimité touchante. Qui est là? Qui lance des cailloux? C'est moi. Qui moi? Christian. Je voudrais vous parler. Non, vous parlez trop mal. De grâce. À notre amour, cela serait fatal. Mais succès embarrassant aussi. Edmond Rostand, conscient de l'attente du public qui l'a enthousiasmé, met plusieurs années à livrer une nouvelle pièce. Ce sera L'Aiglon, qui a pour héros romantique le fils de Napoléon, le duc de Reichstadt, immortalisé par la grande Sarah Bernhardt. Par contre, sa dernière pièce, Chanteclair, drame symboliste, audacieusement situé dans une basse-cour, est un échec cuisant. Fragment de Cyrano de Bergerac par Monsieur Coquelin. 5 ans seulement après la mise au point du cinématographe par les frères Lumière, Henri-Clément Meurice tourne Coquelin pour l'exposition universelle de 1900 dans sa déjà illustrissime tirade des nez. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, vous pourrez bien faire Myrmidon qu'à la fin de l'envoi, je... Plusieurs longs-métrages suivront, en français, en américain, pour les salles de cinéma, puis pour la télévision. Le dernier, le plus célèbre aussi, est sans doute le film de Jean-Paul Rapneau, en 1990, qui permet à Gérard Depardieu de remporter un César et d'être nominé pour l'Oscar du meilleur acteur. Le public de cette pièce de la fin du 19e siècle s'est renouvelé. Certes, ce n'est plus le contexte difficile de sa création, les scandales, l'affaire Dreyfus et l'espoir de revanche guerrière après la défaite de 70. Il est trop tard, cousine. Ah, Sigy, Hercule Savinien, de Cyrano, de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Pourquoi cette permanence? Pourquoi ce succès? Les qualités propres de l'œuvre, tout comme ses thématiques, l'amour, l'héroïsme, le contraste entre la laideur et la beauté, sont reconnus de tous. Et quant à moi, je crois surtout que Cyrano est un de ces miroirs déformants et magiques où les Français aiment à se reconnaître, tels qu'ils aimeraient être. De grands amoureux, à qui leur passion permet de trouver le cœur de l'aimé. Des amis, à la vie, à la mort, qui se soutiennent dans l'épreuve. Des flambeurs, pleins de panache, mais avant tout capables d'autodérision. Souvenez-vous de la tirade des nez. C'est un peu court, jeune homme, qui se termine par « Ces folles plaisanteries, je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne me permets pas qu'un autre me les serve. » Des héros, d'autant plus valeureux, qu'ils illustrent des batailles, certes perdues, mais, et c'est le dernier mot, avec panache. »